Vous écoutez France Culture. Merci Marie-Hélène. Le Salon Noir. On l'a parfois entendu, Vercingétorix se réfugia dans l'opium à Gergovie. Ce que nous avons tout simplement mis au jour, ce sont des structures foyères à vocation thermique. Il n'y a pas que la presse qui produit des perles, l'archéologie en exhume aussi. Non pas celle issue de la grande huître perlière, Pinctada margaritifera, découverte sur quelques sites japonais de culture Jomon dès 2500 avant notre ère, ou en Arabie 3 millénaires plus tôt, mais celle issue des publications et autres devoirs. Reste la plus belle, la plus fine, issue d'une copie anonyme d'un partiel de Doug d'archéologie orientale de l'université de Bordeaux. La grande cité mésopotamienne de Mari, en Syrie, a été fouillée par Jean d'Ormesson. Tout le respect que je dois au grand écrivain, mon unique invité sera aujourd'hui Jean Margueron. Bonjour. Bonjour. Votre carrière est droite comme un fil, pensionnaire à l'Institut français d'archéologie de Beyrouth, professeur à l'Université de Strasbourg, puis directeur d'études à l'EPHE. Ce qui m'impressionne surtout, c'est ce que l'on appelle vos terrains, Larsa, Ougarit, Emaa, 1954, dès début de votre carrière à Mari, 50 ans plus tard, en 2004, vous cédez la direction de cet extraordinaire site à Pascal Buterlin, aujourd'hui professeur à Paris 1. Il y a le temps des fouilles, il y a aussi celui des publications. Votre dernier ouvrage, Cité invisible, la naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien, vient de paraître aux éditions Göttner. Jean-Claude Margueron, des copies vous en avez lues, des perles vous en avez corrigées. Que pensez-vous de celles qui vous concernent ? Eh bien, elle m'honore. Mais évidemment, je ne me placerai pas sur le même plan que Jean d'Ormesson, dont je suis en train de lire le dernier ouvrage. Par hasard, c'est en ce moment. Mais je ne me mettrai pas tout à fait au même niveau que lui. Je ne suis qu'un modeste archéologue qui a exercé son art en Mésopotamie pendant un certain nombre d'années. Voilà. Des années. Combien exactement ? 50 années d'activité permanente sur les chantiers. Et vous continuez ? Et je continue, je vais toujours en Orient quand c'est possible. En ce moment, ce n'est guère, malheureusement, depuis 3 ans possible, en tout cas sur le terrain syrien. Mais enfin, j'étais au Liban il y a quelques semaines. Je continue à travailler sur les sujets qui m'ont passionné pendant toute ma vie. Des villes, vous en avez aussi approché, Larsa en Irak, Mari en Syrie. Larsa largement pillée suite à l'invasion américaine. Aujourd'hui, nous entendons des rumeurs absolument alarmistes quant à Mari, mais peut-être aussi Ougarit, que vous avez bien sûr fouillé. Qu'en est-il exactement ? Alors, il n'y a pas les mêmes dégâts sur tous ces sites. Il est évident que Mari, qui est absolument hors de tout contrôle, est largement pillée. Nous avons eu des informations récemment sur un pillage systématique dans le palais en sous-sol. Ils ont détruit des quantités de choses. Ils ont pillé la maison. Il y a moins de choses dans la maison, mais enfin, il y avait des restes archéologiques qui étaient en attente, évidemment. Larsa avait été pillée en son temps plusieurs fois. En revanche, Ougarit ne nous paraît pas en ce moment pillé, c'est dans le territoire alaouite, et là, il y a une certaine protection dans les mois qui viennent de se passer. Donc, la situation n'est pas la même partout. Et à Mari, ils attaquent les fondations de la ville, alors, dans ces cas-là ? Oui, ils sont allés, en tout cas dans le palais, à l'emplacement où il y avait des signes, soit d'une sacralité, soit d'une grande personnalité du lieu. Par exemple, ils ont, semble-t-il, arraché la dalle de la salle du trône, où il y avait le trône du roi, de Zimrilim en particulier, et ils ont fouillé dessous. Jusqu'où sont-ils allés ? J'en sais rien. Alors, ce qui est épouvantable, c'est que moi, j'ai fouillé sous la salle du trône, il y a longtemps, j'ai recomblé, et je n'étais pas allé sous la dalle, parce que je ne voulais pas abîmer la dalle. Donc cette partie-là, je n'ai pas su s'il y avait quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un objet particulier ou ce n'est pas sûr. Mais en tout cas... On ne le saura jamais. Et on voit apparaître sur le marché déjà des objets qui pourraient venir de ces pillages ? Moi, je n'en ai pas encore vu. Il y a des objets qui sont apparus très récemment, mais ils sont sortis, semble-t-il, de collections déjà constituées anciennes. Mais je m'attends... Il faut toujours du temps pour que ça apparaisse. Il faut toujours du temps. Donc moi, je m'attends à ce que ça apparaisse. Mais pour les sites qui ont été fouillés comme ça, pillés. Mais pour le moment, je n'ai pas encore entendu dire qu'il y en a eu. Évoquons la révolution urbaine. D'ailleurs, peut-on parler réellement de révolution ? Oui, c'est une véritable révolution urbaine. L'appellation n'est pas du tout excessive. On est passé très brutalement. Il est difficile de dire exactement en combien de temps, mais très brutalement, d'une situation qui était villageoise à une situation urbaine. Et le passage de l'un à l'autre ne s'est pas fait graduellement. Il n'y a pas eu incorporation progressive de traits urbains dans le village. Pour une raison très simple, c'est que la ville n'est ville que quand elle est fondée. Donc, pour qu'il y ait ville, il faut qu'il y ait fondation. Il est arrivé que un village soit transformé en ville. Mais à ce moment-là, je crois même que j'en ai un exemple dans un des sites que j'ai fouillé. Mais à ce moment-là, pratiquement, les niveaux anciens sont rasés et on refonde complètement la ville. Et parce que fonder une ville, ce n'est pas un simple acte matériel. Fonder une ville, c'est la consacrer à une divinité. Alors ce qui est très intéressant, c'est dans notre esprit, la ville est souvent associée à la civilisation et la civilisation par la même occasion à la ville. Oui, ben oui. Ce qui est curieux, il peut y avoir des civilisations sans ville. Alors, il y a des civilisations sans ville, des civilisations villageoises. Vous allez en Afrique, il y a des civilisations qui ont duré des millénaires et qui n'ont pas eu de ville, qui avaient des villages parfois un peu imposants, parfois agrandis, mais il n'y avait pas de ville proprement. Pourquoi ? Parce que la ville... C'est deux choses. Fondamentalement, c'est une agglomération qui est intégrée dans un système d'échange. S'il n'y a pas d'échange, je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement de ville. Et la deuxième chose qui consacre la ville, c'est le fait de la consacrer à une divinité, au début, bien entendu. Mais regardez, à l'époque classique, c'est encore vrai. Athènes, Athéna, Rome, Rémus et Romulus, c'est toujours des divinités. C'est de nos temps que le sens de la fondation d'une ville est changé. On n'a pas donné, à ma connaissance, à Brasilia un dieu pour fonder Brasilia. Et c'est là où on voit le chemin parcouru depuis les origines de la vie urbaine jusqu'à notre situation actuelle. En tout cas, ces villes de Mésopotamie sont les plus vieilles de l'humanité. Tout à fait. Alors, il n'y en a pas d'autres. À mon avis, on n'en trouvera pas d'autres. Parce que on pourra dire de temps en temps, comme c'est encore arrivé, « Ah, on a trouvé une ville plus ancienne à tel endroit. » Non. Si la ville est seule, ce n'est pas une ville. La ville est en réseau. La ville ne marche que parce qu'il y a un tissu de ville pour un tissu d'échange et un réseau d'échange. La naissance de la ville est bien entendu un sujet capital pour l'archéologue que vous êtes. Hélas, les premières villes de l'humanité sont enfouies sous des dizaines et des dizaines de mètres de décombres. Oui, et c'est bien pour ça que c'est bien difficile. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage « Cités invisibles ». C'est qu'elles sont, elles existent, mais on ne les voit pas au fond des telles. Et il faut arriver jusqu'aux premières couches pour avoir des indices de la qualité urbaine de cette civilisation. Alors c'est elle, c'est ces grands monuments, ces grandes buttes de terre qui sont totalement artificielles et qui représentent les villes. Qui représentent les villes et l'accumulation des strates urbaines successives. Et quelles sont les plus anciennes cités actuellement mises au jour en Mésopotamie ? On peut dire que c'est au milieu du 4e millénaire, Uruk, et dans le sud de la Mésopotamie, et au nord de la Mésopotamie, peut-être une émanation d'Uruk, ça c'est une question qui est encore controversée, qui mérite d'être discutée, c'est pas absolument évident, Abouba Kabira, sur l'Euphrate, qui est au nord de la Mésopotamie. Ce qui fait que la Mésopotamie bascule à peu près dans le même temps au sud et au nord, dans un système urbain. Abouba Kabira, c'est bien sûr en Syrie, oui. Uruk est forcément en Irak. En Irak, oui. Et on a à peu près la date exacte au... Non. À un siècle près. Non. On met Uruk au milieu du 4e millénaire. Abouba Kabira est une fondation de plus courte durée qui n'a pas été et qui a connu une vie très longue et on la place plutôt au 32e siècle. Ce quatrième millénaire, c'est aussi l'émergence de plein d'autres innovations. L'écriture, c'est du quatrième millénaire. L'écriture apparaît avec l'urbanisation. Elle est liée à l'urbanisation. Ah, il y a un phénomène. Écoutez, c'est pas un lien direct de l'un à l'autre. C'est le jeu de la complexité des relations qui s'établissent. C'est le jeu des échanges. Pour faire des échanges, il faut bien qu'il y ait un système de signes et de transmission des quantités et des sommes qu'on veut récupérer. Donc l'écriture naît de ce système. Et elle naît du fait que la Mésopotamie est allée chercher hors de son domaine, c'est-à-dire le domaine fluvial, est allée chercher dans les montagnes alentour tous les biens qui lui manquent, c'est-à-dire le bois, c'est-à-dire les métaux et d'autres choses de ce genre. C'est la Mésopotamie qui est allée chercher autour d'elle-même les ressources qui lui manquaient. J'évoquais le problème de la ville proche-orientale, c'est qu'elle est tout simplement soluble dans l'eau. Oh oui, il y a un danger absolu dans ce pays de fleuves, avec des pluies catastrophiques qui emportent tout. Il faut les avoir vécues, ces pluies, pour se rendre compte qu'elles peuvent faire des ravages absolument énormes. Or, l'architecture est une architecture de terre, très fragile à l'eau. Donc, on peut s'étonner que dans ce pays où il y avait tellement de risques de destruction de l'architecture, on ait quand même réussi à créer des villes. Je me souviens d'avoir vu, à cause de la formation d'un barrage artificiel et d'un lac artificiel, le village des ouvriers du chantier, c'était à Aymar, disparaître en 3 jours, entièrement. Il ne restait plus rien. Donc vous voyez que n'importe quelle quantité d'eau qui arrive, soit par la pluie, soit par l'inondation, fait s'évanouir les installations urbaines. Si on réfléchit, jamais une ville n'aurait pu résister à 2 ou 3 pluies consécutives. Les pluies, un exemple, j'en ai vécu beaucoup. En 50 ans, j'en ai vraiment eu sur tous les sites, du nord au sud. Bon, je prendrai celle-là parce que cette fois-là, il se trouve que j'avais les moyens de mesurer la quantité d'eau. Il est tombé à Marie en 1994, en novembre. Il est tombé en 2 averses d'1 heure, 1 heure et demie. Il est tombé 80 mm d'eau dans la journée. 80 mm d'eau, c'est la moitié du total annuel. Et ça, c'est tombé en 2 heures et demie. Donc vous voyez la quantité d'eau que ça fait. Ça fait une couche de 5 cm qui couvre toute la région et qui dévale les pentes, qui arrache tout. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont compris le danger et ils y ont remédié. Le vrai problème, Jean-Claude Margueron, c'est qu'ils ont tout simplement construit en terre crue, c'est ça ? Ils ont construit en terre crue, mais ils ont surtout installé un substrat, ce que j'ai appelé une infrastructure compartimentée, c'est un réseau continu de fondations, de façon à faire une plateforme sur laquelle ils construisaient les maisons. Et bien entendu, les murs de fondation sont là à l'emplacement des murs des superstructures pour donner la stabilité. Il y a aussi des tremblements de terre dans la région qui font des ravages. Donc tout ça va dans le même sens. Et ils ont pensé qu'il fallait faire donner une stabilisation dans l'ensemble de la ville à la ville. Et deuxièmement, pour empêcher l'eau de faire des ravages en descendant les pentes, ils ont créé des chaussées absorbantes dans les rues. Les chaussées absorbantes, c'est ce que les ingénieurs modernes du XXe siècle ont créé pour les autoroutes. Eh bien, j'ai repris le terme de là, parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un mélange spécial de terre sèche, de caillouties, de cendres et de tessons compilés pour faire des petits... Compactés, pour faire une masse qui laisse passer l'eau. Ça absorbe donc. Oui. Et alors, il n'y avait pas de ravage à la base des maisons dans les rues, car les rues sont l'exutoire naturel de l'eau sur un site. Il n'y a pas d'autre exutoire. Ça, c'est une véritable invention mésopotamienne. C'est une invention. Et une invention majeure de la civilisation mésopotamienne. C'est une invention majeure parce que c'est une invention qui a permis aux villes de vivre. Il y en a d'autres pour l'urbanisme. Pour eux ? Oui, pour l'urbanisme, il y en a d'autres. Il y a d'autres inventions. Il y a l'infrastructure compartimentée que j'ai citée tout à l'heure. Il y a cette chaussée absorbante. Et puis, il y a le fait qu'ils ont constamment établi leur ville au-dessus du niveau de base. Ils ont commencé, quand ils construisaient une nouvelle ville, par donner une surélévation au sol, de façon à ce que l'eau qui descende de la ville descende toujours à l'extérieur de la ville et ne stagne pas dans la ville ou dans les rues. Ils ont donné à l'ensemble de la ville une courbure légère, de façon à ce que l'eau s'écoule, pas trop fort, mais que l'eau s'écoule et rejoigne la périphérie. Ce sont des gens qui ont compris tout le système de l'hydrologie locale. Jean-Claude Margueron, qu'est-ce que peut espérer retrouver un archéologue en matière d'urbanisme ? Alors, l'infrastructure. C'est l'infrastructure qu'il va retrouver. C'est les zones absorbantes, parce qu'il n'y a quand même pas que les rues. Hein. Il y a parfois, quand c'est un espace, c'est à ciel ouvert, il y a aussi du matériau absorbant dans cette chose. Mais ceci est un moyen très simple de voir quand il y a cours ou pas cours. S'il n'y a pas de chaussée absorbante, eh bien, il n'y a pas de cours. C'est tout. Il fallait mettre une chaussée absorbante pour avoir une cour ou des rues. On parle souvent du génie grec, n'hésitons pas, on peut parler du génie mésopotamien ? On peut absolument parler du génie mésopotamien. Seulement, il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas le placer tout à fait sur le même plan. Le génie mésopotamien est un génie de technologie qui s'est exercé pour convertir les hommes à la vie urbaine, pour leur faire un milieu de vie. Alors que le génie grec est un génie des découvertes par rapport aux citoyens, parce que ce qu'on veut faire, c'est lui donner une part de la ville équivalente à celle des autres citoyens. On n'est pas dans le même système. Une question difficile. Quelle est l'originalité de l'urbanisme mésopotamien, Jean-Claude Margueron ? L'originalité, c'est sa permanence. C'est sa permanence. Quand on a institué et instauré une infrastructure, eh bien, l'infrastructure va durer pendant 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Ils pourront reconstruire la ville au-dessus. L'infrastructure est là. C'est la stabilité. Alors, si un jour ça s'abîme, alors ce qu'ils font, et ça ils l'ont fait de façon remarquable à plusieurs reprises, ils nivellent. Et ils reconstruisent une nouvelle infrastructure. Jean-Claude Margueron, je rappelle pour les auditeurs du Salon d'Art de France Culture que vous êtes professeur à l'EPHE, que vous êtes le fouilleur de Marie et de très nombreuses villes de Mésopotamie et que vous venez de publier « Villes invisibles » aux éditions Göttner. Les villes mésopotamiennes sont rondes, mais elles ne sont pas que rondes, visiblement. Non. Il y a une chose qui est tout à fait remarquable, c'est que le choix s'est porté très très vite sur des formes géométriques, simples, mais sur des formes géométriques. L'hexagonal. Ça peut être hexagonal, ça peut être... Bon. La quantité la plus importante, morphologiquement parlant, c'est la ville ronde. La ville ronde que l'on retrouve dans le nord, mais que l'on retrouve aussi dans le sud. Larsa est une ville circulaire. Il y en a d'autres. Ville circulaire, pourquoi la ville circulaire ? En réalité... La ville circulaire est une ville qui permet d'éliminer les eaux de pluie par la périphérie sans qu'il y ait de cheminement interne. Quand vous avez une ville, par exemple, rectangulaire, ce qui est le cas de Abouba Kabira, il faut trouver le moyen d'éliminer l'eau par les côtés. Autre exutoire de l'eau, quand la ville contient un canal. Alors là, la ville est organisée de façon à ce que l'eau de pluie retourne au canal, parce que le canal est forcément au niveau de base. Et les villes mésopotamiennes sont souvent près des fleuves. Et donc il y a des canaux. Il y a des canaux. Marie est un chantier absolument gigantesque. Mais toutes les villes. Le premier urbanisme est un urbanisme fluvial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange entre les cités autrement que par les fleuves et les canaux. Les relations terrestres sont arrivées au milieu du 3e millénaire et c'est ce que j'appelle, je ne suis pas le seul, le 2e urbanisme. Le premier urbanisme est fluvial, le 2e urbanisme est à la fois fluvial et terrestre. Et c'est comme ça que la Syrie occidentale, qui n'a pas de canaux, a pu entrer dans le système urbain. Oui. Non, je signale simplement que le nord, en pays assyrien, il y a aussi des canaux, alors qu'on pense que c'est plutôt du sud. Eh bien, l'exemple de Khorsabad montre de façon absolue qu'il y avait des canaux dans le nord liés à l'alimentation d'ensemble des villes par des canaux de prise d'eau dans les montagnes. Ce qui est important aussi, c'est que ce sont des villes neuves, comme nos villes neuves autour de Paris, des villes neuves donc liées à un véritable projet politique. C'est un projet politique et c'est toujours parce qu'il y a un besoin. On ne s'amuse pas à fonder des villes pour le plaisir, en plein désert. Ça n'a pas de sens. Et il n'y en a pas. Je veux dire, si on veut chercher, on s'aperçoit que les villes sont toujours sur les bords, à un carrefour, sur les bords du fleuve, à un carrefour, à un lieu de rencontre. Et ce sont toujours des villes neuves. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un village se soit mis à l'endroit précis où on a besoin de la ville. L'autre caractéristique des Mésopotamiens, c'est leur sensibilité aux phénomènes géographiques et à la rencontre des routes pour que ça soit efficace. Je reviens aux canaux. Est-ce que ce n'est pas ces canaux qui structurent les villes ? Si, il y en a. Pas toujours. Hein, pas toujours. Il y a des villes sans canaux. Mais vous avez des villes, beaucoup de villes avec canaux. Et je vous disais tout à l'heure que la ville circulaire permettait d'éliminer l'eau par la périphérie. La ville circulaire n'a pas toujours de canaux, c'est même plutôt rare. Mais elle peut en avoir. Et à ce moment-là, la ville est séparée en un ou deux ou trois secteurs. Le canal sépare les quartiers et finalement met le plus souvent en évidence le quartier sacré. Oui, justement, j'ai lu que Carrefour, à la rencontre de deux canaux, c'est là, en général, où on avait le quartier politique, le quartier religieux. Oui, tout à fait, tout à fait. On en a et ça, on le retrouve dans quasi systématiquement tous les sites. Non, parce qu'il n'y a pas toujours deux canaux dans la ville. Mais il peut y en avoir, vous voyez. À Marie, il n'y en a qu'un, qui est le canal de raccordement. Donc, toutes les parties officielles de la ville est sur un côté, pas de l'autre côté. Mais en revanche, à Larsa, il y a la rencontre de deux canaux. Et à la fois, le grand sanctuaire, la ziggourat, les palais sont entre les deux canaux, dans la partie aiguë entre la rencontre des deux canaux. Et le reste, c'est les quartiers de la ville. Vous me parliez de ziggourat, de quoi s'agit-il ? Ah, la ziggourat, c'est un des monuments qui apparaît à la fin du 3e millénaire, pas avant. Il semble que les premiers exemples de ziggourat, on les retrouve à Babylone. C'est peut-être pas le premier, mais enfin, c'est un des tout premiers. C'est une sorte de tour à étages et qui est dédiée au grand dieu de la ville. Et on y fait des cultes. Alors, on ne sait pas très très bien comment était utilisée la ziggourat dans le contexte urbain. Mais à partir de là, il y a des ziggourats dans les villes. Pas dans toutes. Hein, toutes les villes n'ont pas de ziggourat. La ville mésopotamienne est-elle pensée d'ailleurs, comment s'organise l'espace intérieur de la cité ? La ville mésopotamienne est pensée. Elle ne peut pas ne pas l'être. Quand des ingénieurs vont mettre en place des milliers de tonnes de terre pour surélever la ville, vont mettre en place un réseau de canaux, vont mettre en place l'infrastructure compartimentée. Cela fait des années de travail préalable. L'organisation invraisemblable. C'est phénoménal. Quand on fait les calculs, j'ai fait des calculs dans mon livre, ça donne des chiffres absolument faramineux. Et ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans, il y a là 2000, 3000 hommes qui travaillent à édifier la ville, à transporter de la terre, à creuser les canaux, à aménager des quais, à aménager, etc. C'est quelque chose de tout à fait, mais ahurissant. Bon. Alors, la ville, elle ne se crée pas toute seule. Il faut qu'il y ait eu des ingénieurs qui aient pensé, parce que les rues qui vont être remplis chaussées absorbantes, elles vont rester les rues. Elles vont rester les rues pendant 2, 3, 4, 5 siècles. Donc il faut que le système fonctionne. Et si le système fonctionne avec ces données de base, eh bien il faut que les ingénieurs les pensent. Et les maisons sont pensées avant la construction. Et les rues aussi. Et les rues aussi. Toute la structure urbaine est pensée avant la construction. Ce qui les rues dit qui sont quelquefois rayonnantes, oui, quand on est sur un système circulaire. Oui, c'est ça. C'est tout revient au centre. Oui, c'est un système radioconcentrique. Hein, ça y est, absolument. Alors, ces rues, cet ensemble est forcément pensé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et alors, ce que nous regrettons, c'est que nous n'avons pas les plans des ingénieurs. Et nous ne savons pas comment ils les faisaient. Justement, il y a quand même le plan de la ville de Nippur, découvert à la fin du 19e siècle. Oui. Est-ce que ça peut nous aider? Alors, c'est cette petite un maquette, exemple, hein, c'est ce petit un schéma. Exemple de plan de ville, mais on a cru que c'était un plan de ville défendu. Avec, en réalité, c'est simplement, on a noté dessus simplement les sanctuaires de la ville. Donc c'est pas un vrai plan de ville, c'est un plan, j'allais dire, religieux de la ville. La ville est aussi protégée. Quelle ligne sépare le dedans du dehors, le grondement des roues, du hurlement du loup, pour paraphraser Italo Calvino, que vous aimez beaucoup. Oui, je me suis plongé dans Italo Calvino il y a bien longtemps et je l'ai réutilisé pour cet ouvrage. Cette ligne de séparation entre le dedans et le dehors, c'est une ligne qui est construite par les hommes au moment de la fondation de la ville, pas après. On a souvent dit que c'était venu par la suite, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai pour beaucoup de raisons. Et en particulier, il y a une raison fondamentale. C'est que la ville, lors de sa fondation, est consacrée à une divinité. Par exemple, c'est le dieu soleil Shamash à Larsa, c'est Marduk à Babylone, c'est le dieu Sin à Ur, etc. Et cette fondation à une divinité fait que la ville est le bien du dieu. Et le bien du dieu doit être séparé de l'ensemble du reste du monde. Donc l'enceinte, ce n'est pas seulement un système de défense contre des ennemis humains, c'est aussi la limite du territoire divin. Jean-Claude Margueron, quelle image de la ville se faisaient les Mésopotamiens ? Aucune idée. Aucune idée. C'est le monde de la cité, c'est le monde de la civilisation contre le monde de l'extérieur de la steppe. Ça, c'est une certitude. On sait, et la steppe est très mal vue. Pour les gens des villes, la steppe, c'est le monde sauvage. Alors, au contraire, la ville est le monde de la civilisation. Eh bien, il va falloir relire l'épopée de Gilgamesh. En deux mots, parce que le temps tourne, Marie est au Louvre depuis très longtemps, mais Marie fait l'actualité. Oui, il se trouve que c'est le 80e anniversaire de la naissance, de la découverte de Marie par André Parot. Et nous avons deux manifestations. Une manifestation dans les salles de Marie du Louvre et une manifestation très prochaine à Lima, au musée, à l'Institut du Monde Arabe, où on va donner les données des premières découvertes avec le temple d'Ishtar. Jean-Claude Margueron, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre bel ouvrage, Cité invisible, la naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien, qui vient de paraître aux éditions Göttner. Partenaire du Salon Noir Archéologia se consacre ce mois-ci à l'heure de l'Eldorado, ou la découverte des cultures préhispaniques de Colombie, une grande exposition du British Museum présentant certaines pièces collectées dès le XVIe siècle, mais aussi à la redécouverte faite en 2010 dans les caves du Muséum de Zurich des parures végétales royales issues de la fameuse grotte de Deir el-Bahari en Égypte. Mardi prochain, à 15h30, le Salon Noir sera consacré à la domestication des plantes et des animaux de par le monde. Le Salon Noir était produit par Viviane Noël à la technique d'Azan Taous, attachée d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.